Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. À propos de quoi s'interrogent-ils les uns les autres? C'est à propos de la grande nouvelle qui les a mis en désaccord. Non, ils sauront bientôt. Que non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas étendu la terre telle une couche et fait des montagnes des piquets? Nous vous avons créé en couple et avons fait que votre sommeil soit un repos. Nous avons fait de la nuit un habit et du jour un moment propice aux occupations vitales. Nous avons bâti au-dessus de vous sept cieux impressionnants et y avons mis un flambeau à l'ardente lumière. Des nuages gorgés de pluie, nous avons fait descendre une eau en abondance par laquelle nous faisons pousser des graines, des plantes et des jardins très denses. Le jour de la décision est une échéance déjà fixée. C'est le jour où il sera soufflé dans le corps et où vous viendrez en foule. Le ciel sera alors ouvert, béant de toutes ses portes. Les montagnes seront mises en mouvement et ne seront plus que mirages. La géhenne guettera, ultime refuge pour les rebelles, qui demeureront déserts infinis. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni boisson, autre qu'eau bouillante et purulence, en juste rétribution pour ce qu'ils auront fait. Ils ne prévoyaient nullement qu'ils auraient des comptes à rendre, et ils traitaient obstinément nos versets de mensonges. Nous avons pourtant tout recensé en un livre. Goûtez donc, nous ne ferons qu'ajouter à votre supplice. Ceux qui sont pieux atteindront certes au succès suprême. Il y aura pour eux des jardins et des vignes, des femmes jeunes au sein ferme et toutes du même âge, des coupes pleines de boissons débordantes. Ils n'y entendront ni vains propos, ni mensonges. Telle est la récompense de ton Seigneur, don prodigue et généreux, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, le tout clément à qui ils ne pourront adresser aucune parole. Ce sera le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rangée, ne disant mot, sauf ceux à qui le tout clément permettra de parler et dont la parole sera vérité. Tel sera le vrai jour. Prenne donc refuge auprès de son Seigneur, celui qui le voudra. Nous vous avons mis en garde contre un supplice tout proche. Ce jour-là, l'homme verra ce qu'il aura fait de ses propres mains, et le mécréant dira « Ah, si seulement j'étais poussière !»